Entre 1952 et 2011, la société STMC, implantée sur la zone industrielle de Fondeire, au bout de l'avenue des États-Unis à Toulouse, pas très loin du marché-gare, allez, pour faire schématique, entre la barrière de Paris et la zone verte de Sesquières, la STMC donc a été une fonderie de plomb avant de se spécialiser en 2011 dans le broyage de batteries. Fermé il y a 2 ans, le site fait l'objet depuis d'une dépollution générale. Dépollution qui s'avère plus longue que prévu. Sans blague, tant les activités industrielles exercées sur ce site et mettant en œuvre des tonnes de métaux lourds l'ont transformé en dépotoir plombé. Au point que l'agence régionale de santé, l'ARS, et la préfecture de la Haute-Garonne se sont fendus d'un communiqué indiquant qu'une concentration en plomb pouvant dépasser les 300 microgrammes par kilo de sol ont été relevés aux alentours du site. Pour information, le taux qu'il ne faudrait pas dépasser selon une directive de la communauté européenne datant de 1986 sous peine d'altérer la santé des gens habitant à proximité est fixé entre 50 et 300 microgrammes par kilo. 300 maximum. Donc pas de quoi s'inquiéter. Les relevés de l'air et dans l'eau n'ont pas détecté de poussière de plomb, ont même précisé les pouvoirs publics, tout en lançant aussitôt une surveillance sanitaire et une étude épidémiologique sur un périmètre de 2 km autour de cette usine. La concentration quand même de métal dans ces coins-là est de 5 microgrammes par kilo. Il se trouve cadeau, j'ai habité dans ce secteur et je me souviens très bien d'interventions faites par des habitants du quartier inquiets par les grands réservoirs d'essence qui étaient calés à ce moment-là le long du canal latéral en face de l'actuelle déchetterie, réservoir démonté depuis, et puis de cette fameuse usine de plomb. Les réponses avaient été, ne vous en faites pas, rien n'est grave, tout va bien, avaient répondu régulièrement les autorités. 50 ans plus tard, on place néanmoins 12 000 personnes sous surveillance sanitaire, dont 6 établissements scolaires, un ITEP et puis 3 crèches. On appelle ça le principe de précaution. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 34, réalisé par Valentin Jiquel. Ce soir, Étienne Manchon sera notre premier invité à l'occasion de la sortie de Streets, le nouvel album de son trio qui fêtera cette sortie demain soir au Taquin à partir de 21h. Et puis Mathias Imbert et Bruno Zarn du duo Boucan nous rejoindront juste avant d'aller jouer à 21h30 au Bijou. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Et justement, ça tombe bien, c'est presque miraculeux. La nouveauté de la semaine n'est autre que Caniculaire, extrait de Streets, le nouvel album du trio d'Étienne Manchon. On l'écoute tout de suite, on retrouve Étienne Manchon juste après. C'est Caramel Mou et c'est un mieux. Thank you. qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon? Oui, toujours campus, toujours caramel mou. Et là, notre premier invité est Étienne Manchon, que l'on vient d'écouter dans ce morceau caniculaire, extrait donc de ce deuxième album qui fait suite à Elastic Borders, qui était sorti il y a quoi, il y a 3 ans? Ouais, c'est ça, ouais. Il y a 3 ans et demi. Voilà. Nouvel album, joué en trio, mais avec une foule d'invités. Vous nous en direz 2 mots tout à l'heure. On y trouve un vibraphoniste, un trompettiste et un saxophoniste qui sont venus renforcer ce trio de base. Mais peut-être pour commencer un peu cet entretien, c'est revenir un peu sur votre éclectisme. C'est vrai qu'on vous voit dans des contextes très différents. Le jazz, il y a ce trio, on vous avait vu débuter sur scène à Toulouse avec un quartet. Je me souviens vous avoir vu une fois à la Dynamo, vous jouiez en première partie de Host, qui eux-mêmes jouaient en première partie d'Initiative H. Je pense que ça devait être une des premières fois qu'on vous voyait à Toulouse. Ouais, je pense que c'était, enfin en tout cas avec mes projets, c'était mon premier projet, ce quartet, et puis ouais, je pense que ça devait être dans les premiers concerts. Bon, on n'a pas joué énormément, mais ouais, carrément, c'était un super souvenir. Avec, c'était avec Dorian Dutèche à la guitare, donc, voilà. Qui du coup officiait dans Host, donc on avait un peu fait un espèce de crossover. Un croisement entre les formations. L'année dernière, on vous a vu en tant que, j'allais dire, directeur artistique d'un projet, celui d'Amandine Bontang, lorsqu'elle a préparé, enregistré et sorti son album. Vous étiez derrière. Je me souviens même, pendant le Covid, avoir eu une petite fenêtre de lumière dans mon écran télé lorsqu'en me branchant sur Facebook, je vous avais vu accompagner une chanteuse lyrique en direct du Palazzo Bruzane à Venise. Donc là, c'était dans un univers nettement plus classique. C'est quoi cet éclectisme? C'est une ouverture totale ou c'est une difficulté à choisir? Les deux. Non, oui, c'est vraiment les deux, en fait. C'est que j'adore faire beaucoup de choses et en même temps, justement, j'ai beaucoup de mal à choisir entre toutes les choses que j'aime bien faire, lesquelles j'aime le plus et dans lesquelles j'aimerais le plus creuser. Donc, bon, en attendant d'avoir une vision plus claire de ça, je continue de faire autant de trucs que possible, en fait, parce que j'aime ça. La formation, pour vous, elle s'est passée comment? Une formation classique ou ouais. Un peu plus empirique? Non, c'est vrai que j'ai vraiment eu une formation classique à la base. Mes parents sont tous les deux musiciens, même mon grand-père était pianiste aussi. Donc du coup, c'est vrai que j'ai vraiment commencé comme ça, quoi, avec mon père d'abord, et puis après au conservatoire. J'ai eu quand même un parcours assez long au conservatoire, jusqu'à mes 16 ans, un truc comme ça. Voilà, et puis c'est vers la fin où j'ai commencé à m'intéresser au jazz et à me dire qu'il y avait quand même une certaine forme de liberté, et puis même surtout de jouer ensemble avec d'autres gens, qui est quand même quelque chose qui manque beaucoup quand on est pianiste classique. Et donc du coup, je me suis vraiment tourné vers ça. Et ça, pour le coup, ça fait vraiment partie des trucs qui ne m'ont pas quitté. Parce que même en musique classique, la seule chose que je fais, c'est d'accompagner d'autres gens. Et ouais, jouer tout seul, ça me fait chier. Oui, et puis peut-être le côté composition existe moins ça, à musique classique? Alors ça existe, mais il y en a qui font ça super bien, et bien mieux que je le ferais. Du coup, mais non, si, ça existe, mais c'est vrai que c'est aussi c'est une niche qui est plus difficile d'accès, je pense, que... Voilà, compositeur de nos projets en jazz, en musique improvisée, enfin, dans tous les autres domaines, c'est beaucoup plus courant. Et en classique, c'est quand même, c'est beaucoup d'interprétation, ce qui est aussi un travail super intéressant, mais qui, je pense, moi, me correspond moins aussi. Le jazz, c'est arrivé comment? Un peu par hasard. Enfin, je sais pas, je me souviens avoir écouté des trucs de Nougaro quand j'avais une dizaine d'années. Mais mes parents, pour le coup, c'était pas du tout une musique qu'ils écoutaient. Ils écoutaient beaucoup de choses, mais le jazz, vraiment, c'était pas du tout... c'était pas à la maison, quoi. Je sais pas, je traînais un peu à la médiathèque, je pense que j'ai dû tomber sur des trucs là-bas aussi, mais voilà, je saurais pas trop dater de comment j'y suis venu, mais j'ai bien aimé ça. Donc en creusant Nougaro, je me suis rendu compte qu'il avait par exemple réutilisé tel standard, et du coup je suis allé écouter, voir l'original, etc. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert. Et là, c'est une deuxième formation qui commence, ou c'est simplement trouver des musiciens de jazz et jouer avec eux? Les deux, encore une fois. Mais, non, oui, si, c'est clairement une nouvelle formation qui commence, qui en plus peut s'avérer assez contradictoire par rapport à la précédente que j'ai reçue. Et donc, ouais, non, c'est une formation qui ne s'arrête jamais, tout comme la formation classique d'ailleurs, hein, mais donc la formation de jazz a peut avoir un côté justement plus empirique, comme tu disais, et du coup, oui, non, ça s'arrêtera jamais, et je continue tous les jours d'apprendre des trucs, de découvrir des trucs. C'est quand même en plus une musique hyper discographique, donc on a un océan de choses à écouter et à découvrir. Donc, c'est vraiment une nouvelle formation qui s'ouvre à moi à ce moment-là, et je suis là. C'est génial, en fait. Et depuis, pour pas faire la formation, vous jouez avec des tas de gens. On en parlera tout à l'heure dans la page concert, mais ce soir, on vous voit avec le trompettiste Daoud à l'impro. Demain, on vous voit avec votre trio au Taquin. On vous voit dans des tas de formations. Et puis, donc, on va vous voir demain soir avec ce trio qui est le même depuis quelques temps. Elastic Border, c'était déjà les deux mêmes contrebassistes et batteurs qui vous accompagnaient. Avec un son cette fois qui est marqué par l'arrivée de claviers électriques et électroniques dans votre musique et qui renforce un peu le côté moderne de votre musique et qui s'éloigne du côté classique qui pouvait être le son du premier album. L'arrivée des claviers. Bah, en fait, ça a été. Il y en avait déjà un petit peu sur l'album précédent, mais pas tant que ça. Effectivement, c'était plus juste un petit peu de Fender Rhodes. Et c'est vrai que là, sur cet album-là, j'ai un peu plus poussé le truc. Et en fait, j'ai. Moi, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Enfin, dès que j'ai découvert ces claviers-là, alors c'était chez Olivier Cussac, que sûrement pas mal de gens connaissent. Oui. À la radio et dans la salle. Donc, qui gérait le studio Condorcet. Qui est malheureusement plus parmi nous. Enfin, le studio, Olivier, heureusement, oui. Oui, mais le studio est parti en fumée voilà. Il y a déjà un an et demi. Exactement. A fait les frais des travaux autour de la gare Matabiau. Et donc, voilà, j'ai vraiment découvert ces instruments vintage, en fait, chez lui, en enregistrement avec un groupe qu'on avait à l'époque qui s'appelait La Recette. Et donc, j'ai découvert le Rhodes, le Moog, les Orgamondes. Et en fait, pour moi, c'était que des noms de patch sur mon ordre, quoi. Et donc, quand j'ai pu découvrir vraiment ces instruments-là, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, j'ai fait pas mal de concerts, justement, plutôt autour de ces claviers. Et à la base, quand j'ai créé mon trio, donc c'était en 2016, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire un truc acoustique où je m'emmerde pas avec des fils, etc. Puis en fait, à chaque fois que je fais ça, il y a un truc qui finit par revenir au galop. Et je pense que c'est juste que... J'aime trop ça et c'est des explorations de sons qui me plaisent énormément, même si j'adore aussi le piano acoustique, mais en fait j'adore les alliages que ça peut faire. En parlant du son, c'est quel son que vous trouvez avec ces claviers-là? On parle souvent de claviers analogiques, de claviers modulaires, ces espèces de combinaisons qu'on peut faire avec plusieurs modules en les branchant de manière différente, et à chaque fois ça donne des sons différents. C'est quoi que vous recherchez, vous? Ça, pour le coup, justement, tout ce qui est synthé plutôt modulaire, je suis même complètement novice. Je teste de temps en temps avec des copains qui ont ce genre de choses, mais moi disons que je joue plus des claviers des claviers vintage, donc où il n'y a pas forcément ce côté modulaire. Là par exemple sur l'album il y a beaucoup de Rhodes, il y a pas mal de Moog aussi et un petit peu d'orgue, et donc en fait je cherche d'abord les sons qui sont propres à ces instruments, donc le Rhodes qui a eu un piano électrique tout simplement mais avec un son qui est vraiment particulier, le Moog qui pour le coup est vraiment plus un synthétiseur, et puis l'orgue à monde qui est une imitation d'orgue d'église qui est partie très loin. Et après par contre j'utilise pas mal de pédales d'effet avec, notamment sur le Rhodes et puis un petit peu sur le Moog aussi dans l'album, et donc ça pour moi ça fait partie aussi justement de la recherche de son, d'aller un peu plus loin que le son habituel de ces instruments. Et là par exemple pour le Rhodes il y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Joseph Dumoulin, qui a été un des pionniers, mais en tout cas dans le jazz et la musique improvisée, il a vraiment fait partie de mes grosses influences d'ajout de pédales, de nouveaux effets et de l'utilisation du Rhodes vraiment différemment que dans la soul music, etc., que j'adore aussi, mais voilà, c'est vraiment un tout autre travail avec le même instrument. En parlant d'influence, c'est vrai que dans cet album, on entend des choses qu'on pouvait retrouver dans les albums de ST, ce groupe suédois qui a disparu en même temps que son leader. Si je me souviens bien, il s'est noyé. Ouais, c'est ça. Puis on retrouve aussi des choses qui ne sont pas sans évoquer le jeu de Petrucciani. C'est deux influences que vous pouvez revendiquer? Alors oui, carrément. Je dirais, alors, EST, En fait, EST, je pense que c'est même une influence de manière un peu indirecte, parce qu'ils ont tellement influencé absolument tout le monde, encore plus tous les trios, piano, basse, batterie, qui ont suivi, qu'en fait, tous les trucs que j'ai écoutés, même sans écouter forcément trop EST, ont été influencés par ça. Et puis, en plus, c'est effectivement une musique que j'aime beaucoup. Et Petrucciani, carrément, alors c'est un peu, ça peut être un peu aux antipodes, finalement, dans le traitement du son. Il y a un truc très classique, voilà, évidemment, on n'a jamais vu Petrucciani sur un Rhodes. Voilà, c'était pas du tout ce genre de personnage. Mais c'est vrai que ça a été un peu une de mes révélations de jazz, justement. J'étais au lycée et c'était incroyable. Bon, évidemment, il y a ce côté monstre de technique qui est quand même évidemment assez fou, surtout à 15 ans, on découvre ça, on se dit mais c'est quoi ça. Et puis aussi quand même une énorme sensibilité et puis un phrasé vraiment quelque chose de très rythmique, et ça c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu. Vous définissez votre musique comme du jazz progressif. Moi, j'ai ado, on connaissait le rock progressif. C'est quoi le jazz progressif? Il fallait bien trouver un nom. Ah d'accord. Non, mais disons que je suis un gros, gros fan de Pink Floyd. Vraiment, pareil, j'ai découvert ça au lycée et ça a vraiment changé mon approche de la musique, je pense. C'est pas forcément l'influence qu'on entend le plus directement en écoutant ma musique, mais pour moi, ça en fait partie. Et donc, j'aime ce truc. Alors, il y a aussi pas mal de cassures, mais j'aime quand même ce truc de rythme, de riff qui se répète, etc. Sur lequel on empile des choses, et c'est un truc que j'aime bien. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai voulu l'appeler jazz progressif. Ouais, cette structure qui empile, mais qui aussi marque des cassures, des changements de paysage, ouais. des changements de métrique, ça. De rythme. C'est ça, et puis c'est vrai qu'on... En plus, en s'affranchissant du côté juste musical des choses, c'est une conception que j'aime bien, en fait, dans comment ils construisaient leurs albums, leur musique, etc. Il y avait quand même une grande liberté, justement, dans leur manière d'aborder leur musique. Je parle de Pink Floyd, mais bon, plein d'autres groupes de la même époque. Oui, toute l'école de Canterbury, les Soft Machines, National Health et compagnie. Tous les toxicomanes, quoi. Exactement. Exactement. Exactement. Oui. C'est une autre façon de voir la musique. Exactement. et surtout de voir les courants. Il y avait les cocaïnomanes, il y avait les fumeurs de shit. Ouais. C'est aussi une autre façon de... Et moi, finalement, je suis un peu de tout ça. Donc, mais d'accord. Faites gaffe, il y a peut-être vos parents qui écoutent un seul. La radio. C'est pas vrai. Je suis sûrement l'une des personnes les plus sages. Bon, j'espère bien. Cet album, il s'est construit, il s'est enregistré dans quelles conditions? Comme tout le monde. Ouais. Comme la plupart des albums qui sortent en ce moment. Ouais. Ça vient du Covid, de plein de trucs. Après, voilà, c'est un peu un discours qu'on entend en permanence. Ouais, ouais. Oui, j'ai vachement écrit quand j'étais confiné. Je m'ennuyais. C'est le cas ? Oui, c'est le cas. Oui. Ouais. Oui, c'est le cas. En fait, non, disons que j'avais prévu d'enregistrer un album à ce moment-là. Enfin, je m'étais dit, j'aimerais bien. Ça faisait justement. C'était en 2020. Donc, l'album précédent était sorti un an et demi avant. Et voilà, j'avais bien envie de partir sur un nouvel album. Donc, j'avais déjà un peu prévu ça. Mais vu que je bosse toujours au dernier moment et que. Je me dis, il faut que j'écrive de la nouvelle musique pour un nouvel album. Là, j'avais du temps et c'était dans pas longtemps, donc je l'ai écrit. Mais oui, du coup, le fait est que ça s'est tombé pendant le confinement, mais en fait, ça aurait été enregistré au même moment. Voilà, c'était déjà prêt. Avec des invités qui viennent renforcer ce trio, vous nous en dites deux, trois mots? Ouais, c'est un... Donc, sax, trompette et vibraphone. Sax, trompette, vibraphone, et puis il y a violon et violoncelle aussi sur une piste. Et en fait, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé faire parce que, évidemment, en concert, c'est toujours compliqué. Voilà, économiquement, en termes de logistique, c'est toujours beaucoup de choses de jouer à plus que trois. Et donc, en CD, c'est toujours un truc que j'ai adoré faire, d'inviter des copains et des copines. Et donc là, effectivement, il y a Félix Robin qui joue du vibraphone, qui est un copain qui a beaucoup évolué autour de Bordeaux et avec qui j'ai beaucoup joué ces 3-4 dernières années. Il m'a invité assez souvent pour participer à des projets qu'il faisait. Et puis voilà, j'avais envie de lui retourner l'appareil un peu. Et puis on joue ensemble, effectivement, avec Daoud aussi, dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, il y a Félix, il y a Ilyes Ferfera, qui est un des saxophonistes du Old School Funky Family, notamment, et de plein d'autres choses. Et que moi, j'ai rencontré en remplaçant dans le groupe Gabacho Maroc, qui était un groupe de fusion marocaine, qui était très chouette. Et donc voilà, j'ai toujours adoré son son de sax et voilà, et puis c'est un mec que j'aime beaucoup, donc j'avais trop envie de l'inviter, quoi. Et Adrien Dumont, qui est un peu le local le local de l'étape, le gersois de l'étape, voilà, bah, avec qui je joue dans 6x6, le sextet de Malo Evrard. Puis on se croise très souvent parce qu'il est vraiment un peu omniprésent sur les scènes toulousaines. Voilà, et puis après, donc, on a aussi deux cordes sur deux morceaux, parce que j'aime bien aussi justement ces alliages de mondes un peu différents aussi. C'est une façon pour vous de rappeler aussi que vous venez du classique ? Ouais, aussi. Bah, en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour l'arrangement qui vient aussi, je pense, des quelques années d'écriture classique que j'ai pu faire, etc. Et c'est vrai que c'est un peu l'occasion de montrer ça, ou en tout cas de profiter de ça sur les albums, parce que forcément en trio, la notion d'arrangement est vraiment pas la même, quoi. Ouais. C'est vrai que j'adore, enfin, tu nous as vu avec La Pieuvre, c'est aussi des choses que j'aime beaucoup faire, pouvoir écrire pour plus de monde et chercher d'autres sonorités, d'autres trucs, quoi. Voilà, ouais, la pieuvre irréfutable qui était à l'Impro il y a 3 semaines. Bravo. Non, bravo pour La Pieuvre irréfutable. Eh ben oui, c'est le nom du groupe dans lequel il jouait il y a 3 semaines. Pour toi, du coup. La Pieuvre irréfutable. Okay. On va rappeler le nom de vos compagnons de jeu qui sont avec vous. Il y a Clément Daldosso à la contrebasse et Pierre Paulet à la batterie. Pierre Paulet, là aussi. Si, on recommence à voir partout. Il va bientôt jouer avec un projet d'une jeune fille qui s'appelle Manon Chevalier. Voilà, Manon Chevalier, jeudi prochain à la Maison Nougaro. Il y aura Pierre Paulet derrière. Demain, sur ce concert, il y a des invités ou ça sera simplement. Alors, ouais, demain, il y a Félix et Adrien, donc le vibraphoniste, voilà, et le trompettiste qui seront là. Les deux Toulousains. Voilà, les deux du Sud-Ouest, en tout cas. Et carrément. Et donc Pierre Paulet, oui, juste pour la petite histoire, Pierre Paulet qui est venu enregistrer sur le disque, mais qui n'est pas le batteur habituel du trio. Voilà, c'était pas celui d'Elastique. Voilà, Théo Moutou, avec qui on joue tout le temps, toujours, et qui sera là demain au taquin, pouvait vraiment pas. Au moment de l'enregistrement. Voilà, vraiment pas pu être présent au moment de l'enregistrement. Voilà. Sans dénigrer les uns et les autres, changer de batteur, ça change la musique. Changer n'importe qui dans un groupe, ça change la musique. Oui, c'est vrai, ça, c'était une question plutôt idiote. Non, pas du tout. Non, mais c'est que souvent les gens ont cette vision un peu du batteur qui change tout, mais en fait, je trouve que c'est vraiment le cas pour tous les instrumentistes, quoi. Mais effectivement, changer de batteur, ça change énormément de choses. Et en quoi, là? Bah, c'est deux styles de jeu qui sont assez différents, en fait. Pierre, il frappe un peu plus, tout bêtement. Il frappe un peu plus, il a un sens de la cassure qui est assez présent quand même, et donc il a un truc un peu provocant que j'aime beaucoup. Et Théo, dans l'autre sens, lui a un côté qui est hyper hyper rassurant, hyper fin, que j'adore aussi, et qui est un peu plus rond. Voilà, et un peu plus rond, et puis qui soutient vachement le truc, alors que Pierre, il a un truc des fois où il agrippe un petit peu. C'est deux styles que j'adore tous les deux, mais qui n'ont rien à voir. Paulet a plus l'habitude de provoquer les solistes. C'est un peu ça. Bon, bah, écoutez, très bien, Étienne Manchon. On vous retrouve donc demain soir à 21h au Taquin, donc pour fêter la sortie de ce deuxième album, Streets au pluriel. L'Étienne Manchon Trio, album sorti il y a quoi ? Il y a deux mois. Deux mois. Ouais, deux. Et que vous fêterez donc demain soir au Taquin. On va écouter un deuxième morceau de cet album, 13h11. C'est quoi ? C'est le train qui vous ramène à la maison, ça ? C'est le train qui m'emmène loin de la maison. Non, c'est vrai, c'est l'intercité qui faisait Toulouse-Paris, du coup, que je prenais très souvent à l'époque où j'habitais encore à moitié à Paris, etc. Et donc, ouais, effectivement, c'est exactement ça. Et ça a donné quelques souvenirs que l'on retrouve sur cet album 13h11 par le trio d'Étienne Manchon. Je le rappelle, Étienne Manchon, qu'on pourra écouter demain soir au Taquin à partir de 21h. Merci, Étienne, à bientôt. Merci à toi. radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Mouh. Voilà, toujours Caramel Mou, toujours sur Campus FM. Et la suite des opérations, mais c'est Boucan, la bonne nouvelle de cette semaine. Boucan qui revient à Toulouse. Faut dire qu'on a été très mal habitués avec les musiciens qui composent Boucan. Ils habitaient pas très loin de Toulouse pendant très longtemps, ce qui fait qu'on les voyait régulièrement. Et puis, un des deux est allé s'exiler du côté de la mer. Il fait sans doute plus chaud. Conclusion, on les voit moins souvent. Bonsoir Mathias Hembert. Bonsoir. Bonsoir Bruno Zarn. Bonsoir. Vous jouez donc avec Boucan, duo assez sauvage, au Bijou ce soir à 21h30. Et puis ça va être l'occasion peut-être de parler d'un album, votre deuxième sorti il y a un an, Colère Mammouth, qu'on a beaucoup écouté dans cette émission, mais finalement on est peu revenu avec vous sur cet album-là, puisqu'on ne s'est pas revu depuis qu'il est sorti. Colère Mammouth, est-ce à dire que votre colère est de plus en plus grosse, Bruno? Ben ouais, je pense que pour la société tout entière, ça grandit, en tant que tout explose, quoi. Mais ouais, je dirais oui. Ouais, et c'est vrai que c'est le fil conducteur un peu de ce duo. Je rappellerai simplement que le premier s'appelait Ça va déborder. Donc maintenant c'est Colère Mammouth, la prochaine fois ça y est ça pète. La prochaine fois c'est encore autre chose, mais on va peut-être en parler. La prochaine fois c'est Je vous aime. Alors, effectivement. Calin, ça risque. Calin, petit cœur. Chaton, calin, mais, chaton. Donc il va falloir que vous retravaillez plein de choses si vous jouez un répertoire un peu calin, parce que je suis venu vous voir hier au Bijou, histoire d'avoir quelque chose à vous dire ce soir. Et c'est vrai que c'est quand même un set, un concert qui est marqué du saut de l'énergie, de la colère, et puis d'un gros son. Mais c'est sûr qu'on fait tout pour qu'il y ait un gros son, mais quand même, tu trouves pas que c'est un mignon aussi, quand même? On est quand même mignon, t'as vu? Ah, mais on casse même pas une chaise. Ouais, individuellement, vous êtes très gentil, là. On voit bien les gens qui sortent du concert, ils sont là, ils ont envie de nous dire bonjour et tout. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a l'air sympa quand même. Oui, sauf qu'il y a certains regards de Bruno quand il joue de la guitare bidon, les yeux dans le vide. On se dit, waouh, j'aimerais pas le rencontrer le soir dans une rue sombre. Non, le problème, c'est Bruno. C'est vrai. Depuis le début, c'était ça. La tête à Bruno. Non, mais c'est vrai que vous construisez quand même un set qui part à fond les balais et vous tenez ce rythme quasiment jusqu'à la fin. Il n'y a guère que le rappel qui nous permet un peu de souffler lorsque vous essayez de faire chanter le public, mais c'est vrai que vous avez un rythme. Vous arrivez à faire chanter le public. Faux. Merci. Mais vous arrivez à le faire chanter. Non, mais c'est vrai que vous partez à fond les balais, et c'est un set qui ne ralentit jamais. Non, mais c'est vrai qu'en une heure et demie, finalement, on n'a pas le temps de grand chose. Enfin, il faut y aller quand même. C'est vrai que Enfin, moi, si je m'écoutais, ça durerait 3 heures, mais les gens, ils en auraient marre. Alors du coup, on essaye de mettre tout ce qu'on a, et encore, on met pas tout. Enfin, j'aurais tellement d'autres choses à dire sur scène qu'on n'a pas le temps de faire. D'ailleurs, pour parler de moi vite fait, j'ai 4 groupes à côté de ça, le Tigre des Platanes, Bocal Chéri, Imbert. Bon. Et effectivement... Effectivement, sur un set d'une heure et demie, moi je trouve ça condensé finalement, tu vois. Surtout que à l'origine c'est un trio. Boucan, il y a un troisième personnage dans cette histoire, c'est Pierrot Pépin, trompettiste, mort il y aura bientôt 2 ans. 3 ans, ouais. Il y aura bientôt 3 ans en janvier. Donc vous êtes passé d'un trio à un duo. Moi personnellement, je vous avais revu 6 mois après la mort de Pierrot Pépin au Café Plume, et vous aviez beau être à deux ce soir-là, on entendait quand même Pierrot, même s'il n'était pas là. Mais Bruno, t'as cité en disant que tu disais un trio décapité. Oui, voilà. On a dit ça hier soir. Un trio décapité. Mais ça restait quand même un trio, alors que ce qu'on a entendu hier, c'est vraiment un duo, et avec un travail sur scène de duo. Ça veut dire que c'est pas simplement deux musiciens qui jouent ensemble, mais c'est deux musiciens qui jouent, et qui jouent ensemble, mais dans les deux sens du terme. Ils jouent un instrument de musique, mais ils s'amusent aussi. Et c'est vrai que ce qui change peut-être sur ces deux concerts, les deux derniers concerts que j'ai vus de vous, c'est sans doute ça. Ouais, il faut dire que quand on s'est vraiment rencontrés à trois, on a monté un trio, on était le son, l'humain, tout ça, on sait que c'était indissociable de nous trois. Quand Pierrot est parti, effectivement, on s'est retrouvés un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on fait Puis il a fallu, je pense, reconstruire autant une relation à deux qu'un son à deux. On a changé d'instrument, on a recomposé très vite. Et il a fallu le temps de se reconstruire. Donc effectivement, six mois après, c'était beaucoup trop tôt pour qu'on soit encore... Et puis là, voilà, on arrive, on a fait 40 concerts depuis, on s'est reconstruit, on a retrouvé un son, une nouvelle énergie, un nouvel album. Et tout s'est un peu... toutes les cartes ont été un peu rebattues et... Voilà, on a changé d'instrument, on s'est recréé une identité à deux propre, quoi. Donc c'est pour ça que ça commence à faire un groupe maintenant, enfin depuis six mois, je pense. Comment ça se construit, ça, sur scène, cette relation à deux? Je ne sais pas si ça se construit sur scène. Enfin, en ce qui nous concerne, Bruno et moi, ça se construit en jouant ensemble à la maison, en cherchant des trucs, en composant de nouvelles choses, ce qui nous permet, parce qu'on joue encore des morceaux qu'on jouait avec Pierrot à l'époque, qu'on joue finalement oui, d'ailleurs, à deux aujourd'hui. Vous attaquez avec un morceau de Boucan, première période. Ouais, tout à fait, carrément. Carrément. Je reprends le thème qu'il faisait à la trompette de manière magnifique à la contrebasse. C'est une espèce de truc improbable, hein. Enfin, parce que tu dis que... Enfin, à un moment donné, il était question que quelqu'un remplace Pierrot. Voilà, et puis après, une fois qu'on est parti sur l'idée que personne ne le remplacerait, c'était l'idée que quoi qu'il arrive, il serait là. Moi, avec mes petites tendances mystiques, j'aurais envie de dire que c'est le cas, tu vois. Mais cette fois, il n'est plus sur scène. Il est peut-être au-dessus de la scène à vous surveiller, à vous protéger, à vous regarder, mais il n'est plus sur scène. Peut-être, ouais. Ouais, peut-être. C'est ça. Ouais, ouais. Mais, bon, allez. T'es aussi mystique que lui. Mais ouais, ça doit être... Si vous continuez, je vous fais un chant chamanique. On va écouter un premier morceau de ce deuxième album, donc Colère Mammouth. Et on va écouter le morceau qui attaque cet album, Contact. Et vous verrez qu'après avoir entendu ce morceau, vous comprendrez la teneur du reste de l'album, comme vous comprendrez la teneur du reste du concert qu'ils ont donné hier soir aux Bijoux et qu'ils donneront encore ce soir, puisque une fois qu'ils auront quitté ce studio, ils partiront dardard aux Bijoux pour vous y attendre à 21h30. Contact. Il est étroit l'espace qu'on nous laisse entre le rive et l'Iba. Code promo et le code barre. Contact. Il est étroit l'espace qu'on laisse entre le devoir, le désir, le néant et l'être. Contact entre la guerre et l'ennui, l'effet du zeste, l'impulsion et l'impact. Il est étroit de entre la racine et la fleur, la naissance et la mort. Contact, il est étroit l'espace qu'on laisse entre la sève et l'arbre, le violon, le tzigane. Il est étroit de un contact. Il est étroit de entre la bouche et le masque, la prismale et femelle. Il est étroit l'espace qu'on nous laisse entre le flashpoint et la gueule, les dansées et le feu. Il est étroit. Par le duo Boucan. Bruno Zarn, vous parliez il y a deux secondes de cette recherche de son et de cette recherche de son à deux dans la trompette de Pierrot Pépin. Et puis là, on vient d'en entendre un exemple du son que vous avez trouvé, sur lequel vous travaillez depuis deux ans, qui est amené par deux instruments nouveaux qui n'existaient pas au départ de Boucan. Ce que vous appelez des guitares bidons, faudra nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, ces espèces de trucs bricolés, semble-t-il, vous allez me dire que non, mais des trucs bricolés. Et puis il y a ce fameux instrument qui donne les variations de fin de ce morceau-là, le térémime, que vous utilisez sur scène, et qui apporte vraiment ces sonorités nouvelles dans ce duo. Deux mots sur ces deux instruments. On va commencer par les guitares bidons. Vous ne jouez plus de guitare, ni électrique ni acoustique. Non. Vous jouez du banjo et de ces guitares bidons. Ouais, c'était le. Il fallait qu'on trouve quelque chose avec Mathias justement pour oublier cette trompette et changer de son. Donc on s'est dit, ben voilà, on avait commencé à composer un morceau avec ces bidons-là à l'époque avec Pierrot. Et puis on s'est dit, ben on va tout faire avec ça maintenant. Donc c'était un petit challenge qui en fait nous a permis de trouver des chemins qu'on n'aurait jamais trouvé autrement, je pense. Quoi. Vous nous expliquez qu'est-ce que c'est ces guitares ? Guitare bidon, c'est un bout de bois avec un bidon d'huile et un ressort tendu au milieu et ça fait coin-coin, c'est inaccordable. Quatre cordes quand même. Quatre cordes. Et puis voilà, puis... Enfin c'est, voilà, c'est des trucs que fait un mec en Ardèche vraiment pas cher et... Ah, c'est pour ça que vous en avez plein. Ouais, exactement. Ah, j'en ai 6 ou 7 chez moi. Ouais. Déjà, vous en avez plusieurs sur scène, d'accord, ouais, je comprends. Ouais. Non, c'est vraiment pas cher. C'est waouh. Mais voilà, ça sonne. Voilà, c'est l'instrument qui, c'est une contrainte à lui tout seul, quoi, et c'est pas mal, quoi. Ouais, ça tient du bouzouki, mais ça se tient aussi de la guitare blues de ouais, l'Ouest américaine. C'est des modèles Dobro, là, donc, avec un petit résonateur tout petit, quoi. Mais ouais, ça sature au naturel, quoi, en acoustique. Et voilà, c'est... Ben ça c'est notre nouveau son, quoi. Ouais. Ça c'est pas mal parti de là, quoi. Ouais. Ça m'a fait penser à ce groupe qui s'appelait, je crois, Staff Bilabi. Un groupe. Staff Benabili, là, ouais. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Mais c'est vraiment voilà, ça. Voilà, des Africains. Et il y avait un gosse qui faisait partie de ce groupe-là, puisque ce groupe, je crois que c'était des gens qui étaient handicapés, qui avaient la polio, ouais, qui s'occupaient de gamins des rues. Ils avaient monté un groupe ensemble. Et un des gamins du groupe jouait sur une espèce de guitare. Donc le bidon c'était une boîte de conserve, ouais, c'est vrai que ça avait un peu ce son là. Ouais mais c'est vraiment dans l'idée, c'est ça, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Et alors le térémime ? Le térémime, c'est un vieil instrument électronique inventé il y a plus de 100 ans par un inventeur russe qui a une vie incroyable. Léon Térème, là je laisse les gens chercher sa vie quoi. Sur Google. Voilà, et l'avantage de ces instruments c'est que tu peux en jouer sans le toucher, quoi. Donc, j'ai pas vu beaucoup, mais je suis le premier musicien à jouer avec le manche de ma guitare sur le térémine. J'espère pas me tromper, mais bon. Et ça permet de voilà. Moi, je m'en sers vraiment comme ambiance sonore et pour pour donner des impulsions un peu, parce que c'est, je fais vraiment n'importe quoi avec, quoi. Mais c'est vraiment du son, quoi. Ouais, mais ça vibre, et c'est vrai que ça rajoute un son à la palette, à votre palette sonore. C'est vrai que là aussi, puisqu'on parle de son, de son côté, Mathias Hembert joue toujours de la contrebasse, mais également, il a rajouté une grosse caisse à sa panoplie. Et une caisse claire, ouais. Une caisse claire, oui. Ouais, donc, ouais. Du coup, là aussi, il y a les percussions qui arrivent. Ouais, non, mais c'était aussi dans l'idée de trouver un nouveau son, ouais. On a un peu cherché, ouais. On travaille. c'est formidable. Avec quelque chose qui est assez incroyable avec vous, Mathias Hembert, c'est la relation que vous avez avec la contrebasse. Vous l'entourez, vous vous appuyez dessus, vous jouez l'oreille carrément collée à sa caisse. C'est une véritable histoire d'amour. Bah oui, hein. Oui. Non, mais tu sais, justement, avant-hier, là, ça faisait 3 jours que j'étais rentré de tournée. On avait 3 dates la semaine dernière. Et je me suis reposé lundi, et puis mardi, je commençais à me demander, mais quand est-ce que... Enfin, finalement, je me suis mis dans la position d'attendre le concert à venir, quoi. Ah. Non, et finalement, je m'aperçois que quand même, ce que j'aime le plus au monde, c'est ça. Hein, et c'est jouer. C'est jouer, ouais. Et bon, tu me diras, la contrebasse, elle est chez moi aussi. Hein. Donc je pourrais me contenter de faire des câlins à ma contrebasse pendant 3 jours en attendant le concert qui suit. C'est ce qui m'arrive de faire. Hein, mais non, c'est vrai que j'adore ça. Et la contrebasse, bah oui, oui. Oui. Et il y a ce moment assez magique à la fin de votre concert, et c'est là que je vous disais tout à l'heure comment ça se construit un peu les interactions que vous avez entre vous. Je décris vite la scène sur un des derniers morceaux. Le morceau se joue tranquillement et puis on croit qu'il est fini. Finalement non, ça repart avec un Hembert qui se penche sur sa contrebasse, qui va lui crier dans les oreilles, donc dans les ouïes, et on entend sa voix à travers les ouïes, un micro qui doit traîner par là, et comme la contrebasse il peut pas la tenir quand même tout seul puisque là il est à genoux, c'est l'épaule de Bruno Zarne qui la maintient, qui est grand et fort, hein. Voilà. Bruno Zarne qui est grand et fort, il faut préciser, hein. c'est vrai. Des gros os, tout ouais, ça ouais, enfin, il a tout département, il a tout en double. on l'appelle l'homme double. Voilà le double maître. mais c'est vrai que c'est un moment assez étonnant, ce truc là c'est arrivé comment, ça, de pouvoir se dire on va faire ce moment là parce que je suppose que vous le faites dans tous les concerts, le morceau il est déchirant, mais en même temps on se dit ah ouais, là il y a quand même association des deux. C'est vrai, non, mais franchement, je saurais pas te dire comment c'est venu, tu te souviens, toi? Ben, c'est arrivé à un concert, on a toujours eu cette fin, le morceau était comme ça, quoi. Ouais. Et puis voilà, il criait ça, et puis un jour il me l'a posé sur l'épaule, et puis on s'est dit mais... Enfin, voilà, quelques années, mais c'est trop trop beau, quoi. Puis je pense que après une heure et demie de concert, c'est tout calme, tout un peu ésotérique comme t'aimes bien là. Et là, je pense que nous deux on commence à faire un peu cum, quoi. À s'aimer comme il sent que ça s'arrête. Ouais, tu sens que voilà, que là il faut rentrer dans les loges et puis on va se faire notre affaire. Ouais. Mais je pense qu'il y a un truc un peu intime, ouais, qui se crée. On n'a jamais réfléchi, c'est arrivé un moment, puis on trouve ça trop beau, et puis on continue à le faire jusqu'au jour où on en aura marre, quand même. Bon, petit conseil technique pour Mathias Hembert, peut-être que le cale contrebasse qui est juste en bas, il serait carré et pas rond, ça permettrait à la contrebasse de moins se bouger. Mais ah moi, ouais, j'ai dit ça, je dis rien. Il pourrait même tenir debout. Mais, par exemple. Ouais. Ouais, mais bon, il n'y aurait plus l'épaule de Bruno, la magie n'opérerait plus. Vous faites une petite tournée, là, avec Boucan? Ah oui, on joue la semaine, dans 15 jours, Pyrénées, ouais. Voilà, au Celtic à Tarbes, et puis chez Pierrot, Arcisans, ouais, d'accord. Et juste après, vous allez commencer à penser au troisième album. Non, mais là, on a déjà commencé à y penser, ouais, très sérieusement. On a déjà 6 titres qui vont sortir en 45 tours au cours de l'année 2023. Voilà. Mm-hmm. Et donc, on va sortir des 45 tours... tous les quelques mois, quoi, histoire de faire bisquer les gens, parce que les gens, ils sont comme des oufs, tu sais, ils se disent, waouh, putain, il va sortir un 45 tours, mais quand est-ce qu'il va sortir le suivant et tout, tu vois, donc, vous inquiétez pas, on vous en met un dans 3 mois, tu vois, et puis au terme de tout ça, enfin, en septembre prochain, on est censé enregistrer avec John Parrish notre deuxième album avec lui, notre troisième album avec Boucan. Voilà, le premier était enregistré avec John Parrish. Ouais, au Pays de Galles, ouais. Et bon, bah, là, la dernière fois, il y a eu les histoires de Covid et de Brexit. Ça a été un peu compliqué. Donc, on s'est dit, on allait faire plus simplement. On a enregistré à Lyon. Ouais, on était un peu plus un super studio, d'ailleurs, le studio Le Magnéto, pour leur faire de la pub. Et puis. À Toulouse, ça va les aider, oui, bon, ça, c'est sûr. Ben, on ne sait jamais. Hein, voilà. Les musiciens voyagent. Étienne Manchon a décidé d'enregistrer son prochain album justement. Je crois qu'ils n'ont pas de piano. Ils ont Orgamond et compagnie. Ouais. C'est bon, souvent le problème. Enfin, c'est des voilà. Et oui. Et donc. Et donc on enregistre ça. Et donc là, on a recontacté John Parrish qui nous a dit qu'il ferait ça avec plaisir. Il nous a dit, je te dis même pas, il nous a dit des trucs de dingue en plus. Mais et puis nous, en plus, on a des idées pas possibles. Et puis bon, pour un album qui devrait sortir en 2024, quoi, puisque tout prend 3 ans, une fois que tu as écrit la chanson, faut se la donner pendant 3 ans pour la voir sortir. Bon. Et donc d'ici là, on écoutera les 45 tours qui vont être diffusés sur la toile. Ouais, dont on n'est pas peu fiers. Et donc avec les clips qui vont avec, puisque apparemment ça, c'est. Il va y avoir, ouais, ça complément. Redevient la mode. Ouais, il va y avoir des vidéos live, on est en train d'en parler là justement, voilà, qu'on va filmer et enregistrer au printemps là. Mais ça sera pas forcément. Il va y avoir des morceaux qui ne seront pas dans les 45 tours. On est en train de faire un plan marketing un peu à la con. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut rentabiliser la formation HEC que vous avez eue lorsque vous étiez jeune. Exactement. Il faut que ça serve maintenant. On va d'avoir séché la moitié des cours. Ouais. Et puis bon, on n'est pas venu là pour parler de la fin du CD, mais quand même, on en approche. Et il faut quand même qu'on réfléchisse à des moyens de faire passer, de diffuser notre musique qui devient compliqué. Parce qu'il y a quand même les trois. Là maintenant, t'as des gens. On en vend beaucoup de disques à la fin des concerts, mais t'en as un sur deux qui te dit bah, moi, j'ai plus de lecteurs, ou que ce soit, ni dans ma voiture, ni chez moi. Il y a plein de gens qui les achètent quand même, mais qui n'ont pas roulé les liens. C'est ça, juste par soutien. Donc là, on essaye de. Je sais pas, il faut qu'on réfléchisse quand même. Presque plus de gens qui ont des platines vinyles que des lecteurs CD. Voilà, et puis juste vite fait pour cracher un peu sur Spotify, à savoir que quand tu écoutes un titre sur Spotify, bah nous on touche 0,0005 centimes par clic. Ah ouais. Voilà, donc bah, avant de gagner sa vie avec ça, faut vraiment être une grosse star, hein, puis faut faire de la musique de merde, comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des grands médias, et puis dans ce qui marche, quoi. Mais c'est vrai que ça devient difficile de vivre de la musique enregistrée, en tout cas, et c'est pas non plus facile de vivre de la musique sur scène. C'est un peu chaud pour tout le monde, hein, donc je ne veux pas me plaindre. Ce qui fait que le fait d'enregistrer, c'est simplement pour témoigner à un moment donné d'un avancement des choses, ou il y a quand même un réel plaisir à rentrer en studio. Moi, j'adore enregistrer, j'adore faire des disques. Ouais, j'adore faire tu poses un truc, une image, une photo d'un instant, là. Ah, on en est là, quoi. C'est un peu le truc, quoi. Que tu joues en live, tu en es là, mais tu t'en rends même pas vraiment compte. Et puis tu travailles le son différemment. C'est quand même un instrument de travail. Et puis là aussi, vous invitez des copains entière. Comme vous le faites sur Colère Mammouth, où là aussi, il y a pléthore d'invités qui viennent Laurent renforcer. Laurent Paris, le Tigre des Platanes, Jour, la Mossa. C'est vrai que j'en oublie pas, j'espère. Seb Sirotto, Cédric Morer à l'Orgamonde, ouais. Et donc ça, c'est l'année prochaine, donc une sortie en 2024 sûrement. Et de votre côté, Bruno Izarn, on vous a connu sur plein de projets. Il y a ce Ghost Rider qui continue à tourner. Si je me souviens bien, vers avril-mai, vous étiez au Taquin pour le jouer. Première partie de Host, justement. Ce projet-là. Et puis, on vous a connu aussi avec Estécope. Moi, c'est personnellement... là que je vous ai écouté la première fois, ça vous rajeunit pas, hein. Non, ça effectivement ça me rajeunit pas, mais par contre l'album a très bien vieilli. Je l'ai réécouté ce matin, je me suis dit il y a rien à jeter. Lequel, Haute d'Orlans? Oui, celui qui est blanc avec le petit carré, le premier. Ça c'est le tout premier. Celui-là il est épuisé, garde encore 20 ans et je le vends. À ce moment-là les gens auront encore deux chez moi, racheté des platines CD comme ça arrive avec le vinyle aujourd'hui. Si vous en reste deux, je vais venir venir les piquer pour assécher le marché. Moi, pendant, j'en ai gardé deux pour, parce que j'échange, parce qu'il y en a qui l'ont usé au point. Ah ouais, donc, je remplacerai gratuitement. On appelle ça le service après-vente, et donc vous avez vraiment fait vos études à HEC. Castecop, c'est quelque chose qui est terminé ou... Ouais, ouais. C'est quand je suis parti vraiment en solo, quand j'ai voulu développer un truc solo. Donc, voilà, j'ai samplé, je me suis un peu auto. Pris le machin là. Et puis, c'était me retrouver avec moi-même, c'était super. Jusqu'au moment où, bon, voilà, ça s'est limité au bout de 3 ans, j'ai dit, bon, allez, maintenant, il faut jouer avec des, ouais, avec des gens. Avec quoi. Des gens. Et donc là, maintenant, en solo, il me reste plus que Ghost Rider. Voilà, ça me va très, très bien. Un jour, vous viendrez nous parler de votre amour pour Alan Vega et Suicide. Ouais, je prépare ma liste en 15 jours. Voilà, ouais. Un jour, on en parlera de cette aventure de Ghost Rider. En attendant, Boucan, on va écouter un deuxième morceau. Je sifflerai Boucan, donc, qui sera 21h30 au Bijou, qu'on se le dise et répète. Et pour les avoir vus hier soir, je peux vous confirmer que c'est un concert hautement conseillé. Boucan, je sifflerai. Dangereuse, même s'il n'y a pas d'autant. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de Boy Scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel! Ouh! Voilà, on arrive presque à la fin de cette émission. On va bientôt attaquer la page concert, mais juste avant de l'attaquer, une dernière question à Mathias Hembert, j'ai failli l'oublier. On a vu arriver il n'y a pas très longtemps un autre disque dont vous faites partie, Bocal Chéri. Bocal Chéri, c'est pas mal aussi comme nom de groupe. Mais ouais, ça fait un peu confiture, bonne maman. Bocal Chéri. Avec Nicolas Jules, avec Dimonet, vous-même à la voix et à la contrebasse, puis un quatrième dont j'ai oublié le nom. Mais que Roland Bourbon. Voilà. C'est quoi ce projet-là? C'est un projet qui est... La chanson pour le coup. Chanson rock un peu, ouais, un peu bordélique, hein, un peu mais bancal comme son nom l'indique. Voilà. Et en fait, c'est parti en 2012 d'un spectacle, une commande sur Bobby Lapointe, où on nous a demandé de faire. Enfin, ma manager, c'est Dany Lapointe, la petite fille de Bobby Lapointe, et pour les 90 ans de sa naissance en 2012, donc elle nous a fait faire. Elle a invité les chanteurs à faire des reprises de son grand-père. Hein. Puis on était censé faire 2 concerts. Au final, on en a fait 200 parce que ça a cartonné, notamment parce que Roland Bourbon était à la direction artistique et qu'il est complètement fou et qu'il a fait beaucoup de bien à tous ces petits chanteurs à la croix de bois que nous étions. Je vous les cite pas tous parce qu'il y en a eu un certain nombre du coup, comme au départ hein, on était censé le faire 2 fois hein, puis qu'on l'a fait 200, bon. Et puis quand ça s'est terminé, on s'est dit mince, on va pas se quitter avec cette rencontre de Dimonet, Nicolas et Roland et moi, là vraiment ça nous faisait trop mal au cœur, donc on a composé pour l'occasion des morceaux et qu'on a joué ensemble, qu'on a fait un premier album, et puis là on vient de refaire la même chose, de remettre le couvert, et un album qui est sorti là le 18 novembre et qui est vraiment formidable. Hein. Évidemment, et dont on a écouté un morceau dans Caramel Mou, je crois que c'est Tango Déglingué, c'est... Ou Désargenté. Désargenté. Ouais. Enfin, il y a Tango quand même. Il y a Tango. Tango, ouais. Désargenté, j'ai la moitié du titre juste, c'est déjà pas mal. En attendant peut-être de vous voir sur scène à Toulouse. Eh ben ouais, mais il faut. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de date calée, mais on y compte bien. Ouais. Bon, mais très bien, on attendra ça avec impatience. Bocal Chéri, Tocoto l'album. Voilà, Bocal Chéri. Tocoto. Voilà, très bien. Et puis, des concerts, il y en a quand même ce soir, même si Bocal Chéri n'est pas au programme. Par contre, il y a Boucan, vous l'avez compris. Au bijou, à partir de 21h30. Boucan, bijou, voilà, bon, maintenant, si vous pouvez me laisser tranquillement Boucan, bijou, avancer dans la page concert, ça serait pas mal. Surtout que nous sommes dans la période pré-Noël. Et comme chaque année, un certain nombre de chapiteaux de cirque s'installent sur l'agglomération. Il y en a 2 en particulier dont il faudra aller voir les spectacles. Ça commence ce soir pour les 2 et ça se termine fin décembre pour les 2. Le premier, c'est un spectacle qui s'appelle Le Bruit. C'est fabriqué par le Cirque des Petites Natures, un collectif circassien estampillé Nouveau Cirque. Et ils installent leur chapiteau au jardin du Barry. Donc pour un spectacle, je viens de le dire, Bruit, qui associe cirque et musique jouée en direct. C'est à partir de ce soir et donc jusqu'au 31 décembre. Et certains soirs, après le spectacle, il y aura même des concerts comme ça au jeté. Je pense que le 16 décembre, il y aura Foulou qui ira faire un concert après ce spectacle. Donc c'est un spectacle Bruit sous chapiteau au jardin du Barry à partir de ce soir. Un autre chapiteau s'installe là du côté de la Grainerie, donc c'est le lieu cirque qui est installé à Balma-Gramont. Et c'est le cirque Pardi qui revient à Balma pendant donc tout le mois de décembre. La première, c'est ce soir. Pendant tout le week-end, à la Cinémathèque de Toulouse, Synchro, le festival de ciné-concert, il y en a plein le matin, l'après-midi, le soir. Programmation complète sur le site www.lacinémathèquedetoulouse.com. Vous attachez tout ça et normalement ça marche. Ce soir à l'impro, à 20h30, Daoud Live, un set mélangeant, j'allais dire hip-hop et jazz, un peu comme pouvait le faire Truffaz quand il est arrivé avec son album The Down il y a déjà une petite vingtaine d'années. Donc Daoud Live, c'est en quintet d'habitude, mais ce soir il sera en quartet puisque le vibraphoniste du groupe n'est pas là ce soir. Par contre, on verra batterie, contrebasse, clavier. Je le disais tout à l'heure, le joueur de clavier sera Étienne Manchon. Ce jeune homme, on le retrouve partout. Et ce groupe est amené donc par le trompettiste Luc Daoud Klein, magnifique trompettiste que l'on peut entendre notamment sur un morceau du rappeur Hill qui est sorti le mois dernier sous forme de clip sur YouTube. Splendide trompettiste, et on ira voir ça. Donc ce soir à l'impro, à partir de 20h30, même si Boucan est à 21h30 au bijou. Mais c'est quand même vachement bien, Daoud, hein, je crois. Hein. Ouais. Bon, Boucan, c'est peut-être mieux encore, mais voilà. À la Candela, à la Candela, 20h30, on pourra écouter La Vésina, un trio de musique trad, musique gascogne, Kersi Bigorre. Musique trad encore, mais celle-là mexicaine, avec ce soir à Maison Blanche, Arnaud Bernard, Violetta, Rarero, Ignacio Reyes, à partir de 20h30. Au Beers House, ça c'est, se trouve du côté du derrière la Allograin, sur le bord du canal, on pourra écouter les Jambu Boys, du funk brésilien, qui invite ce soir le percussionniste et chanteur Alexandre Duventrou, par ailleurs fondateur du groupe Cassonade, groupe de musique antillaise, si je me souviens bien. Moi je connais Daoud et Boucan aussi. À 21h au Taquin ce soir. Ceux qui jouent bijoux, tu veux dire. Ouais. Voilà, ouais. Au Taquin ce soir, moment important là aussi, au Taquin, le petit bal Taquin, monté en partenariat avec l'association Anarchie dans le Yucca, avec ce soir Sec, un duo toulousain basse-batterie, ça dégomme, et puis il y aura après Schromb, un quartet clavier-batterie, basse-sax, tendance plutôt free noise. Ça c'est vraiment pas mal, putain. C'est incroyable. Si vous les avez jamais entendus, ceux-là, faut aller aussi les voir. Ouais, même... c'est vraiment mortel, mais voilà. Bon, vous venez quand même voir. Il y a Boucan à 21h30. Nous, il y a des chaises à casser, par contre. Voilà, mais. Donc, Schromb ce soir au Taquin à partir de 21h. Au Rex à 20h30, 32 mesures, un trio électro-dance suivi des Toulousaines de Funky Style Brass. Au Connexion, soirée rap underground avec notamment Raoul, un jeune rappeur toulousain. Et puis, il y aura également Vince. Ceux-là, ils viennent de Troyes. Début du concert au Connexion Live à partir de 20h. Au Dada ce soir à 20h30, le Dada 27 Avenue Honoré Serre, Gilles Posat. Pour un set mêlant trompette, voix et synthétiseur modulaire. Si vous avez une voiture ou si vous avez un vélo et que vous avez les mollets ce soir pour en faire, vous pouvez aller au Moulin à Roques-sur-Garonne avec Jazz Magique par la compagnie Blizzard Concept, un spectacle associant magie et musique. Le magicien c'est Antoine Thérieux et le pianiste c'est Marek Kastelnik, par ailleurs pianiste du duo L'Oiseau Ravage. Début de ce spectacle à 20h30 à la Grande Famille à Pinsagel, juste à côté Edorski, à partir de 20h30. Serge Lopez sera lui à la Cave Poésie ce soir et demain soir en trio. Là, il y a beaucoup trop de trucs, arrête à faire arrêter. C'est trop loin, on n'a pas de vélo. Voilà. Pascal Rolando aux percussions et Jérémy Rolando à la guitare. Et donc au bijou ce soir. Ah, au bijou, à 21h30, on en a largement parlé dans cette émission. Boucan, duo sauvage. Donc 21h30. Finalement, vous pouvez commencer plein de concerts en ville et vous précipiter après à 21h30 pour voir le début de Boucan. C'est aussi possible puisque le bijou a cette particularité de continuer à faire ses concerts à 21h30. Ça laisse le temps de faire d'autres choses avant. Demain soir au Métronome, soirée Focus Opus avec Mélanie Lesage, Lydie et Foulou. Spectacle regroupant trois formations toulousaines, des trois sets de 45 minutes, concert gratuit. On découvrira ces jeunes musiciens. Et puis, enfin, jeudi prochain, 8 décembre, à la Maison Nougaro, Lioness Shape, le groupe de la chanteuse Manon Chevalier, sera sur la scène donc, de cette péniche, la Maison Nougaro, à 21h30, avec Pierre Paulet à la batterie et Maya Cross au clavier. Réservation obligatoire, Lionel Chap, que l'on écoute illico presto. When everything you know gets dark, even your own name seems strange. When panic and fear become harm, break does not help anymore. Drugs don't relieve you, cause that's not either way. All you put in overhauled your mind. All of you just ask for a peace and calm. When you and only you, nothing but you can help. When you and only you, nothing but you. Caramel! Bouh! Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dernière proposition de concert à vous faire ce week-end. Et bien, ça se passera au Taquin, dimanche à partir de 16h30. Et comme tous les premiers dimanches du mois, ce sera le moment du Freddy Taquin, programmation mensuelle concoctée par le collectif Freddy Moraison au Taquin. Et ce mois affiche plutôt 3 étoiles avec Future Folk Stories, un quintet de luxe, Robin Finker au sax, Mathieu Verchowski au violon, Natacha Mulslera à la voix, Fanny Lafargue à la basse, Fabienne Duscoms à la batterie, quintet qui sera suivi du duo Marc Ducré à la guitare et Samuel Blazer au trombone. 3 étoiles, je vous disais. Allez, dans 15 minutes, vous retrouvez John Little et son incredible, génial et fantastique Little by Little Wicked Show. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Thomas Jiménez, El Comunero. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les filles. Caramel!